Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à l'émission Connaître Ensemble, l'émission des étudiantes sages-femmes. Alors c'est une émission pour connaître sur la périnatalité. Aujourd'hui on reçoit Roxane Bolduc, une étudiante qui a fait un travail de session sur le sujet de la prématurité. Aussi nous avions une émission avec Hélène Valbocker qui sera remise à plus tard pour des raisons qui sont hors de notre contrôle. Mais ce sera remis plus tard dans la session et je vous en informerai. Alors, c'est ça, nous avons avec nous Roxane Bolduc. Bonjour, Roxane. Bonjour, Mélina. Alors, tu viens nous parler de prématurité. Peux-tu d'abord nous dire pourquoi t'es-tu penchée sur ce sujet particulièrement? Oui, en fait, ma collègue et moi qui faisions le travail, on a les deux une expérience particulière par rapport à la prématurité. Donc, moi, j'ai un fils qui est né à 30 semaines de grossesse, puis elle-même était née très grande prématurée, là, à 27 semaines. Donc, c'est un sujet qui nous intéressait beaucoup et on voulait le présenter à nos collègues sages-femmes. Et votre travail, sous quel angle l'avez-vous abordé? Oui, c'est sûr, la prématurité, c'est vraiment vaste, puis on peut traiter de toutes sortes de sujets, que ça soit plus clinique, santé, tout ça, mais nous, c'est un cours plutôt en sciences humaines, donc on s'est intéressé au phénomène de l'attachement, qui est le lien qui se développe entre la mère et l'enfant, puis le père et l'enfant également. Donc, on voulait voir pour un bébé prématuré, puis ses parents, qu'est-ce qui se passe dans ces conditions très, très particulières de naissance. Intéressant. Et l'objectif de votre travail, je crois qu'il y avait plusieurs objectifs. Quels étaient-ils? Oui, c'est sûr. C'est sûr qu'en premier lieu, comme il y a beaucoup de naissances prématurées, on l'imagine pas, mais on s'est dit c'est quand même pertinent d'exposer ça à nos collègues sages-femmes parce qu'ils vont nécessairement, même si c'est des transferts à ce moment-là, ils vont avoir finalement à gérer des situations comme ça ou même à suivre en postnatal des femmes qui ont eu des bébés prématurés. Mais plus au point de vue personnel, ma collègue puis moi, on voulait comme explorer nous-mêmes un peu cet aspect de notre vécu pour être capable aussi de s'en détacher à long terme parce qu'il faut pas toujours revivre nos propres expériences à travers les autres. C'est vraiment pour être capable après ça, si je suis face à une même situation, d'être capable de bien réagir en professionnel et non aller chercher uniquement mon histoire personnelle qui m'a quand même laissé certaines blessures, là, veux, veux pas. Mais pourtant, les sages-femmes ne suivent pas tout le temps lorsqu'il y a des complications. Oui, c'est ça. Ça dépend vraiment. J'imagine pour une femme qui accouche prématurément à 24 semaines de grossesse, son cas va être transféré, puis ça m'étonnerait qu'elle puisse être suivie en postnatal par la sage-femme. Mais par exemple, dans ma situation à moi, quand j'ai accouché, après, j'ai décidé, moi, de retourner avec la sage-femme, puis c'était correct parce que j'avais pas eu un long délai entre le moment de la fin, dans le fond, de... entre le moment de l'accouchement puis le retour en postnatal. Donc, le lien a continué avec la sage-femme puis on pouvait rester en contact. Donc, j'ai continué le postnatal avec elle puis j'ai trouvé ça une expérience vraiment intéressante parce qu'on a un suivi vraiment soutenu. Là, c'est pas 5 minutes après 6 semaines dans le bureau d'un médecin pour savoir si la cicatrice de césarienne va bien. Là, on parle de tous les aspects, là, que ce soit psychologique, émotionnel, tout ça, relié à la naissance. Tu as mentionné, en fait... l'idée de 24 semaines, etc. Oui. Qu'est-ce que la prématurité, qu'est-ce qui est englobé dans la prématurité? Oui, ça c'est sûr, c'est la bonne question pour commencer. En fait, la prématurité, c'est considéré quand il y a une naissance avant 37 semaines de grossesse. Donc, c'est évident que si on a un bébé né à 34 semaines de grossesse versus un bébé né à 24, les deux sont prématurés, mais avec des conséquences qui sont pas les mêmes. Donc, un bébé né avant, finalement, 32 semaines, on le considère comme un grand prématuré. C'est le cas de mon fils. Puis avant 28 semaines, on considère ça comme un très grand prématuré. Puis à chacune de ces étapes-là, il y a évidemment des risques qui sont associés. Plus on est jeune et plus on a de risques de séquelles à long terme. Mais un bébé né, par exemple, à 36 semaines, il est théoriquement prématuré, mais on s'entend qu'il est presque à terme puis il devrait bien s'en sortir sans séquelles trop, là, par un petit séjour à l'hôpital. Pour quelqu'un qui n'aurait pas vu de prématuré dans sa vie, à quoi est-ce que le bébé ressemble, cet enfant-là? Ben, ça doit varier aussi selon les semaines. C'est ça, ça varie beaucoup, j'imagine. Moi, c'est sûr que c'est une expérience plus personnelle que j'ai eue, mais mon fils est resté 5 semaines à l'hôpital, donc j'ai pu quand même voir plusieurs bébés prématurés. Bon, c'est sûr qu'à la petite taille, c'est évidemment ce qui sort en premier, mais également le fait que l'enfant, c'est pas un bébé joufflu, tout rose, comme on imagine les bébés devraient être. En fait, par exemple, le mien était très long, très maigre, parce qu'il manquait de... Mais c'est ça, ça dépend toujours de la raison de la prématurité, mais le mien manquait de nourriture, finalement. Donc, il n'avait pas eu le temps de faire ses réserves de graisse. Donc, ça peut ressembler à des personnes âgées. Le mien ressemblait à un vieux monsieur avec beaucoup de peau, beaucoup de plis, mais très rapidement, là, ça rentre dans l'urne, puis ils grossissent et se forment toute la graisse qu'ils ont besoin, là, puis ils finissent par ressembler à des bébés comme on peut l'imaginer. Est-ce que les bébés, on pourrait se poser la question, ont-ils automatiquement des séquelles suite à leur prématurité, leur accouchement prématuré? Non, je crois que la plupart des bébés n'ont pas de séquelles, en fait. Ça dépend toujours, évidemment, de l'âge gestationnel, donc du stade de la grossesse où ils sont nés. Mais comme des bébés vraiment handicapés ou avec des gros problèmes, c'est je crois que c'est 10 à 15 %, là. Donc c'est sûr que c'est beaucoup, mais c'est pas énorme vu la date d'accouchement. Par exemple, moi, mon fils a aucune séquelle, né à 30 semaines, sauf peut-être un retard de langage. Donc, à ce moment-là, ça peut être au niveau cognitif, donc de l'apprentissage qu'on voit ces séquelles-là. Mais ça, il faut attendre plusieurs années, finalement, à le voir. Mais il y a un suivi particulier aussi qui est fait à l'hôpital pour évaluer toutes ces conditions-là. Puis ça peut aller jusqu'à 7 ans et demi, dépendamment du poids aussi du bébé à la naissance, donc de son âge, mais de son poids aussi. Les très petits bébés, comme mon fils, sont suivis plus longtemps et plus intensément. Puis on sait qu'il y a aussi encore des grands prématurés. Je crois que de plus en plus, on recule un peu la... Oui, mais on a comme atteint, je pense, on a atteint le point où on pouvait critique, vraiment les sauver. Là, je ne suis pas une experte, mais je crois que c'est à partir de 24 semaines que les médecins sont obligés d'essayer de les sauver. Avant ça, c'est plutôt au choix des parents, mais un bébé en bas de 24 semaines, là, il y a des fortes chances d'avoir de grosses séquelles, là, des paralysies cérébrales, des choses comme ça, problèmes de développement. Mais encore là, ce n'est pas... assurer qu'il y en aura. Non, mais c'est ça. Mais 22-23 semaines, c'est très probable. Mais plus on avance en âge, à partir de 28 semaines, là, ça va très, très bien. Puis les soins sont très avancés, une technologie très avancée. Puis, parlons des soins. Quels soins sont offerts rapidement, j'imagine rapidement aussi pour le prématuré? Pour le prématuré qui naît, comment en est-il aussi? Oui, c'est ça. Donc, quand on détecte qu'il y a soit un travail prématuré ou, par exemple, une césarienne d'urgence, comme dans mon cas, ça se fait dans les centres hospitaliers où il existe des centres de néonatalogie qui sont des unités médicales qui sont spécialisées pour les bébés prématurés et les bébés malades également. Donc, à ce moment-là, ils sont tout de suite apportés à cet endroit-là, ce qui fait que la maman, souvent, n'a pas le temps vraiment de voir son bébé. Là, ça, c'est dommage, mais en même temps, là, le risque pour la vie est plus grand que si elle ne voit pas son nourrisson à la naissance. Donc, ils l'amènent immédiatement là-bas. Ils peuvent mettre l'enfant sous respirateur. Ils le mettent dans un incubateur qui garde sa température corporelle parce qu'il n'est pas capable de garder sa chaleur. Puis, ils vont également lui mettre une intraveineuse pour le nourrir comme un cordon ombilical, dans le fond, mais dans le bras. Donc, il va être comme dans un utérus en plexiglas, finalement, puis toutes les fonctions que le corps de la mère aurait dû lui donner vont être remplacées, c'est sûr, jamais parfaitement, mais tout de même à un point que le bébé peut survivre et se développer. Puis après ça, quand le bébé est assez grand, moi, ça s'est passé à 2-3 jours de vie, ils vont pouvoir commencer à l'alimenter, soit avec le lait de la mère qu'elle peut tirer avec un tire-lait ou avec de la formule qu'on peut trouver là, en magasin, là, mais qu'ils reçoivent eux à la caisse. Puis ils font ça par gavage. On peut penser que c'est douloureux, mais ces bébés-là, en fait, ils n'ont pas encore le réflexe de déglutition puis de vomir, donc ça se passe très, très bien. Là. Puis donc, ils envoient au début peut-être 5 millilitres de lait à la fois toutes les 3 heures, puis tranquillement, l'estomac grandit puis est prêt à prendre plus de lait. Puis des fois, ils enrichissent même le lait. Ils mettent comme plus de calcium, même dans le lait maternel. Et c'est ça, ça l'aide le bébé. Puis le lait maternel, ça aide plus, ça les fait plus grossir que le lait du commerce. En fait, les enfants prématurés naissent-ils toujours par césarienne? Non, je pense pas. Comme ma collègue, elle, je crois que ça n'a pas été une césarienne. C'était un travail prématuré. Des fois, ça va très, très vite, puis on n'a pas le temps. Moi, dans mon cas, mon fils était tellement petit, là. Il est né à 2,5 livres, donc je sais pas si vous pouvez imaginer la grosseur. Donc, il n'aurait pas supporté de déclencher un travail pour le faire sortir. Donc, à ce moment-là, ils ont trouvé que la césarienne était en penchant finalement pour les risques puis les conséquences, c'était mieux de faire une césarienne que d'essayer un travail induit. C'est sûr que le travail, c'est toujours mieux pour la mère et l'enfant, sauf dans certains cas comme celui-là. Donc, la césarienne était vraiment indiquée. Oui. Et puis, peux-tu me parler aussi un peu plus du vécu? Il y a aussi tout un aspect de surprise dans cette histoire, souvent pour des parents de prématurés. Oui, parce que c'est rare. Bien, ça peut arriver qu'on le sache à l'avance, qu'on va avoir un travail prématuré ou même une césarienne d'urgence. Sauf que malgré ça, c'est toujours impressionnant de pas finir une grossesse. Une grossesse, ça a une fonction. Pourquoi ça dure longtemps? C'est pour que le bébé se développe, mais aussi pour que les parents, surtout la mère, s'adaptent finalement à l'arrivée éventuelle d'un bébé, s'adaptent psychologiquement aussi. Donc, souvent, on peut être encore dans un stade de bébé idéalisé, bébé rêvé. On se dit, ah, il va être comme ça, mais on n'a pas encore compris le fait que c'était un bébé concret là, qui allait venir au monde, que ça allait être le nôtre. Oui, on pourrait dire que même les pères, peut-être encore plus aussi parfois, mm-hmm. parce qu'ils ne voient que plus tard dans la grossesse pour certains la concrétisation de leur enfant lorsqu'il bouge et tout ça, mais rendu à ces semaines-là, il bouge. Oui, c'est ça. Puis il y a des parents, même c'est à la naissance seulement, qui réalisent, mon Dieu, il y a un bébé qui était là-dedans. Puis souvent, à ce stade-là, ben, dépendamment du stade de grossesse, il y a des parents qui vont plutôt imaginer leur enfant à 4 ans plutôt que de l'imaginer nourrisson. Donc, en plus de l'avoir, d'avoir un bébé, ils l'ont encore plus petit, plus fragile que ce qu'ils avaient imaginé. Donc, l'effet de surprise. C'est ça. Donc, la surprise comme ça, donc ça peut être assez troublant, traumatisant, mais souvent, les soins sont quand même adaptés, puis le personnel hospitalier est quand même ouvert, là, puis aide un peu les parents là-dedans, mais souvent, ça peut se passer tellement vite qu'on n'a même pas le temps de réaliser ce qui se passe. C'est plutôt après, dans le retour, la réflexion, ouais, qu'on ça. En fait. Mm-hmm. Puis au moment de la naissance, la plupart du temps, les pères quittent la salle d'accouchement ou d'opération avec l'enfant pour aller en néonatalogie. Donc, le père devient le lien entre la mère et l'enfant. Normalement, dans une naissance, c'est la mère qui, en premier, est c'est elle qui s'occupe du nourrisson, puis le père souvent peut agir un peu comme protecteur. Mais ça, c'est une généralisation, mais ça se passe souvent comme ça. Mais là, c'est le cas contraire. C'est le père qui devient nourricier. Il peut, par exemple, amener le lait de la mère à l'enfant. Puis parce que la mère, ça peut prendre vraiment longtemps avant de voir son enfant. Si les deux sont en mauvaise santé, ça peut être très, très long. Moi, dans mon cas, ça a pris 36 heures avant que je voie mon enfant. Donc, c'est mon mari qui est allé le voir beaucoup plus souvent que moi, puis qui me rapportait des nouvelles. Il me disait, il va bien, par exemple, il n'a pas besoin d'oxygène. Donc, c'est le père qui prend le rôle de maternage, finalement, dans beaucoup de cas. Puis, quand la mère, finalement, retrouve un peu ses facultés, puis peut venir aider son bébé, il peut exister une petite compétition entre les deux. Parce que là, évidemment, le rôle est tellement non défini et un peu absurde, parce que t'arrives puis ton enfant, c'est pas toi qui t'en occupe, c'est des infirmières qui savent beaucoup mieux que toi comment s'en occuper. Puis là, le père sait mieux que toi comment s'en occuper, par exemple, donc c'est un peu particulier. Pour la mère, ça peut être pour la mère, ouais, c'est ça. Ça a pas été mon cas, là, mais ça peut arriver dans plusieurs cas. Puis aussi, à l'hôpital, ils demandent de participer aux soins. Puis ça, c'est une très bonne chose parce que, je veux dire, c'est tellement minuscule comme bébé que tu as l'impression que tu vas le casser dès que tu le prends. Donc, tu apprends à changer sa couche. Mon conjoint, par exemple, avait jamais changé une couche de sa vie, mais il a appris à le faire sur un bébé de 2,5 livres. Donc, après ça, il n'y a plus rien. Là, il peut changer des couches n'importe quoi. Là. Il va être capable de le faire n'importe qui. Et c'est ça, on peut donner... Ben, c'est pas un vrai bain, là, mais c'est le laver, tout ça. Donc, participer aux soins. Évidemment, on peut pas faire des gestes cliniques, puis on peut pas le gaver ou des choses comme ça, mais on fait du kangourou aussi, du pot à pot. Ça, c'est très... Ça dépend dans quel hôpital, mais... Dans celui où moi j'étais, c'est très, très recommandé. Là. Peux-tu nous en parler un peu avant la pause, finir avec ça, dans le fond, sur le kangourou, en quoi consiste-t-il? Oui, en fait, c'est quand on prend le bébé en peau à peau. Des fois, ça peut être un peu particulier quand le bébé, il y a plein de ventouses partout d'électrodes pour vérifier s'il va bien, s'il y a une intraveineuse, s'il a besoin d'un peu d'air, d'un peu d'oxygène pour respirer. Mais on le colle sur notre peau. Ça, ça a plusieurs avantages. Un, ça favorise l'attachement, donc le lien qui est utile pour qu'après les parents s'occupent de leur bébé de façon plus facile, finalement, je dirais. Après, il y a aussi, au niveau physique, le bébé apprend à faire une thermorégulation, donc à conserver sa chaleur plus facilement, souvent son rythme cardiaque aussi, parce qu'il y a des problèmes avec le rythme cardiaque pour les nouveau-nés. Puis on imagine l'odorat, tout ça, ça améliore. Donc, en faisant des séances de peau à peau à tous les jours. Merci beaucoup, Roxane. Alors, nous continuerons après la pause à cette émission qui parle de périnatalité. On parlera un peu aussi, encore plus, de l'attachement dans son travail sur la prématurité. Aussi, nous parlerons plus en profondeur de son vécu et aussi de la prématurité en général. Alors, nous vous laissons sur une chanson qui s'intitule « La chanson rouge » de San Severino. Alors, ce sont ses CD « Le tango des gens ». On vous revient tout de suite après la pause. Merci d'avoir été avec nous pour la première partie. Ça change et ça devient un coup sur deux, vif ou carmin. Soit vermillon, soit coquelicot, effrayant ou abricot. Le rouge n'est pas tout le temps le sang, le rouge du piment. Sucre d'orge roux, ocre et sucré, apaisant et enivrant. Choisis ce rouge-là ou celui-là, ce rouge-là ou celui-là, ce rouge-là ou celui-là. Le sang coule dans le sable et disparaît quand le pays bleu, blanc, rouge éteint sa télé. On oublie sa couleur marron foncé qu'il laisse à tout jamais. Choisis le rouge que tu préfères, rouge de couleur ou de colère. Soutine, Matisse ou bien Gauguin, Hitler, Mussolini, Pétain. Choisis ce rouge-là ou celui-là, ce rouge-là ou celui-là, ce rouge-là ou celui-là. Choisis, choisis ce rouge-là ou celui-là, ce rouge-là ou celui-là, ce rouge-là ou celui-là. Personne ne bouge dans un ciel bleu comme la mer rouge. Il fait trop chaud, on ne peut pas bouger, ni parler, ni penser, ni parler, ni penser, ni parler. De retour à l'émission Connaître ensemble, l'émission des étudiantes en pratique sage-femme, pour tout savoir sur la périnatalité. Je vous rappelle que vous pouvez toujours nous écrire vos commentaires, vos questions à notre adresse. Alors, c'est co-naître.ensemble@uqtr.ca. Nous sommes de retour avec notre invitée Roxane Bolduc qui nous parle de la prématurité. Avant la pause, nous avons beaucoup parlé de l'aspect médical, hein, du déroulement de l'accouchement prématuré, etc., dans le milieu hospitalier. Dans cette deuxième partie, on va approfondir. On va aller voir la même situation vécue en détail et aussi sous un angle d'attachement. Quel a été le vécu des parents qui ont été aux prises avec un accouchement qu'ils n'attendaient pas à ce moment-là et par rapport aux soins médicaux qui ont été offerts, etc. Alors, Roxane, tu nous en parles un peu plus. Dans le fond, on pourrait repartir du début de ton histoire, du début de qu'est-ce qui s'est passé au début, les premiers moments où est-ce que vous avez su que ça allait être une césarienne d'urgence, mais beaucoup d'un angle personnel. Quelles ont été vos émotions à travers ça? D'accord. Donc, en fait, moi, j'avais un suivi sage-femme, tout allait pour le mieux, tout allait vraiment bien. Mais en camping, donc je faisais de la randonnée pédestre, tout allait bien, j'ai réalisé que mon bébé bougeait différemment que d'habitude. Donc, dès notre retour, j'ai appelé la sage-femme. Elle m'a vue et elle a déterminé, en fait, que je faisais une pré-éclampsie. Qu'est-ce qu'une pré-éclampsie? Ouais. C'est, en fait, une hypertension de grossesse qui peut affecter, pour la mère, le foie, les reins. Puis pour l'enfant, ça diminue l'apport en nutriments, en oxygène. Parce que, c'est ça, la tension est juste trop forte. Donc, je suis allée à l'hôpital et, bon, au début, ça avait pas l'air très urgent, mon cas, mais ça s'est aggravé. Et à la quatrième journée où j'étais hospitalisée, 2 heures avant, ils sont venus me voir, ils m'avaient fait une prise de sang, puis ils voyaient que ça allait vraiment pas bien. Donc, il m'a dit « OK, dans 2 heures, césarienne d'urgence ». Donc, ça, c'est la surprise et un peu de soulagement, en fait, c'est drôle à dire, mais j'étais comme… j'étais tellement inquiète de savoir si mon enfant allait comme survivre que j'avais hâte qu'on s'en occupe finalement de façon médicale. À posteriori, je peux comprendre, mais je me sentais coupable de ressentir ce soulagement-là également, là. Mais je pense que c'était normal, là. Je le sentais de moins en moins bouger. J'avais l'impression qu'il allait décéder, là. Donc, je voulais vraiment qu'on fasse tout pour lui. Donc, ça a été assez comique, par contre, de devoir laisser le message sur le répondeur à mon conjoint. Bon, ben, puis j'essaie d'avoir pas un ton trop dramatique ou paniqué. Bon, ben, viens à l'hôpital, je vais avoir une césarienne. Heureusement, on habite à 5 minutes de l'hôpital, donc quand il est revenu du travail, vite, il a couru, il est arrivé et il était là pour la césarienne. J'ai pu avoir une césarienne. Était-il dans la pièce? Oui, il était dans la pièce. Il a rien vu, par contre, parce que je pense qu'on l'aurait ramassé à terre, là. Il aime pas beaucoup la vue du sang. Il était assis à côté de ma tête et il me tenait compagnie. Il essayait de me changer les idées pendant que je subissais la césarienne. Et, en fait, c'est ça, j'ai pu avoir une césarienne avec une épidurale. Donc, j'étais quand même consciente de ce qui se passait. Quand une chose très drôle et émouvante, quand ils ont fini par sortir mon fils, c'est comme s'il y avait énormément de monde dans la salle, là. Il y avait les gens qui allaient s'occuper de lui, il y avait les gens en anesthésie, il y avait les gens l'obstétricien, chirurgien, tout ça, puis beaucoup d'étudiants. Donc, quand ils ont sorti mon fils, donc la quinzaine de personnes qui étaient dans la salle ont tous arrêté comme une demi-seconde, ils ont fait « Ah! » Puis après ça, ils ont recommencé à travailler. Donc, j'ai trouvé ça beau que tu sais, ils sortent peut-être sans bébé par As-tu pu le voir à ce moment-là? Oui, c'est ça. En fait, heureusement, mon fils a crié immédiatement à la naissance. Donc, il a respiré tout de suite, ce qui s'attendait pas, en fait. Il pensait qu'il allait avoir besoin d'aide respiratoire, mais non. Donc, il a respiré sur le coup, ce qui a fait qu'ils ont pu me l'apmener pendant 5 secondes, je l'ai regardé. Après ça, ils sont repartis en néonatologie avec lui. Mais ça a quand même été un beau moment de pouvoir se voir yeux dans les yeux. Mais je l'ai pas trouvé très beau, par contre. Là, je trouvais qu'il avait l'air d'un petit singe. Puis mais c'est vrai, en fait, ça ressemble pas mal à ça. Il avait des longs, longs doigts, des grands, grands yeux. Puis il me regardait très, très surpris de ce qui se passait. Et bon, mais c'est ça, après une pré-éclampsie, il faut être sous médication pour éviter de tomber en éclampsie, qui est là, en fait, la complication de la pré-éclampsie, puis tu fais des convulsions, puis ça peut aller jusqu'au décès de la mère. Donc, il s'assure de stabiliser la mère avant qu'elle puisse là, se déplacer pour aller voir son enfant. Donc, ça a pris 36 heures. Donc, pendant ce temps-là, mon mari, c'est sûr, il faisait le lien, comme j'ai expliqué, là, le lien entre moi puis mon enfant. Il a même pris une photo. Il l'a imprimé, il me l'a amené parce que les mamans, elles, avaient toutes leurs bébés dans leur chambre, mais pas moi. Donc, il m'a amené mon bébé, comme ça, je l'avais avec moi, malgré tout, malgré le fait qu'il n'était pas physiquement avec moi, mais j'avais sa photo à mes côtés. Par contre, lui, il se sentait très, très seul parce qu'il pouvait pas, tu sais, on est nos meilleurs amis, là, mais il pouvait pas venir me parler puis me dire « Ah, ça va pas bien, je me sens triste », tout ça. Moi, j'étais en train de vomir mes entrailles sous la médication. Donc, j'allais vraiment pas bien. Donc, il savait pas, moi, si j'allais survivre ou si, tu le sais pas quand t'es pas médecin. Et il va voir mon fils, puis tous les médecins, mais en fait, c'était les résidents qui étaient autour, puis ils faisaient juste leur tournée, là. Il y avait rien de dramatique. Mais au moment où il rentre en néonate, notre fils est entouré par tous ces gens-là, mais en sarrau, tout ça, lui était sûr que ça y est, il va mourir. Ma femme puis mon fils sont dans un état critique. Il est allé à l'entrée de l'hôpital, puis il s'est assis, puis il a pleuré. Mais c'est incroyable l'image seul qu'on peut avoir de l'extérieur. Je suis sûre que c'était pas pour mal faire. Les étudiants ne devaient pas du tout se douter que le père verrait la chose ainsi. Mais ils ont même pas dû le voir arriver. Je pense qu'il est arrivé, il a vu ça, il est ressorti immédiatement de... Ça, c'est bien. Par contre, les parents peuvent toujours aller voir leurs enfants. À 2h du matin, tu peux aller voir ton enfant quand même. Puis dans certains hôpitaux, même, tu peux avoir de la visite qui vient voir l'enfant. 2 minutes, mais quand même, c'est vraiment bien. C'est un petit aparté. Donc là, heureusement pour lui, par contre, j'ai une sœur qui a eu également un bébé prématuré. Puis elle, quand elle a appris, elle était Trois-Rivières, puis quand elle a appris que j'avais accouché par césarienne là, d'urgence comme ça, elle est montée directement à Montréal. J'habitais là-bas dans le temps. Puis elle est venue voir mon conjoint. Donc ensemble, ils ont pu parler, puis elle sait c'est quoi vivre cette expérience-là. Donc il y a eu la chance d'avoir quelqu'un à qui se confier, puis ma sœur, elle l'a remonté, puis elle a dédramatisé la situation. Puis, donc ça a été vraiment un avantage. Donc le réseau dans ce cas-là, puis quelqu'un qui connaît cette situation-là, ça a vraiment été utile pour nous, là, puis surtout pour mon conjoint. Tu as parlé de dédramatiser, c'est un terme qui est important pour toi autour de ce thème de la prématurité. Oui, c'est ça. La naissance prématurée, c'est pas banal, puis ça fait mal aussi au niveau psychologique, mais il faut vraiment voir l'enfant comme un enfant normal. Il faut dédramatiser la situation, il faut pas trop prendre au sérieux, finalement, tout ce qui se passe. Ça a l'air bizarre à dire, mais si on le... En fait, j'ai trouvé ça très intéressant. La pire séquelle qui peut arriver, en fait, la séquelle la plus fréquente pour les enfants prématurés, c'est le manque de confiance en soi. Ça, c'est causé parce que les parents voient toujours leur enfant comme plus fragile qu'il est en réalité. Ça se comprend. Il y a une naissance tellement précipité, puis il avait de l'air tellement petit, puis ça a l'air vraiment petit, ça a l'air excessivement fragile. Mais si les parents gardent tout le temps dans leur tête cette image-là de leur enfant, ils vont la garder là tout au long de sa petite enfance, et lui-même aura... Ils vont le couver normalement, et l'enfant aura de la difficulté à se prouver à lui-même, puis à faire ses propres expériences. Donc, ça peut amener un manque de confiance en soi. Donc, en fait, on voit que les principales séquelles sont pas physiques, mais sont plutôt psychologiques. Donc, sachant ça, moi, j'ai vraiment, et mon conjoint aussi, on s'est attardé à le prendre comme un bébé normal. Même s'il y avait, mon Dieu, 3 livres ou 4 livres, on le traitait, évidemment, avec les soins qu'il fallait, avec l'hygiène accrue. Mais pour le reste, c'était un bébé comme les autres. Puis mon cerveau, en tout cas, s'est adapté. Et les bébés nés à terme, qui pour la plupart des gens sont magnifiques, ben moi, je les trouvais laids, je les trouvais beaucoup trop gras. Je trouvais que les bébés tout petits, prématurés, qui ont l'air de petits lutins, je les trouvais... C'est eux qui étaient beaux et parfaits. Donc, ce qui est drôle, parce que... C'est un conditionnement, c'est finalement. Ça, parce qu'après ça, mon fils, à l'été, il est devenu particulièrement gras, là, les joues dégoulinaient de gras, pratiquement. Puis là, je le trouvais parfait à ce moment-là aussi, même si les gens me disaient, inquiète-toi pas, ça va passer, il va perdre ça, tu sais. Je dis, ben, voyons pourquoi, là, il est parfait. Donc, la mère, en fait, les parents s'adaptent un peu à l'apparence de leur bébé. Puis ça, je pense que la dédramatisation de la situation aide à ça, puis à l'attachement, tout ça, donc... Voilà. Combien de temps êtes-vous resté à l'hôpital? Moi, pas longtemps, là. Ils se dépêchent à changer les lits, à renouveler les patientes dans les lits. Donc, je suis sortie au bout de 5 jours. Mais en fait, pas vraiment 5 jours, plutôt 3. Là. Et mon enfant est resté 5 semaines, lui, à l'hôpital. Mais c'était beaucoup plus court que ce qu'ils nous avaient dit au départ. Là. C'était censé être 2 mois, 2 mois et demi. mais il a grossi très, très vite. Puis à 4 livres et demi, normalement, ils attendent à 5, puis à 35 semaines de gestation. Mais là, à 4 livres et demi, on dit « Il est en santé, tout va bien, vous pouvez y aller. » Donc, on l'a ramené minuscule à la maison. Quel a été ce sentiment une fois passé la barrière de l'hôpital, rendu à la maison? Oui, ça c'est, puis pas juste pour nous, mais dans notre travail, on l'a vu, c'est quelque chose qui se répétait beaucoup, c'est comme une deuxième naissance, en fait, parce que là, l'enfant, comme je disais tantôt, il est dans un utérus de plexiglas, là, c'est sûr qu'il manque là, le côté affection puis chaleur, les parents essaient de l'amener, mais tu sais, c'est pas l'hôpital qui le donne, mais là, donc, en fait, il est pris en charge complètement par le système hospitalier. Mais là, mon Dieu, on te met un minuscule nourrisson dans les mains et bye-bye, va chez vous. Puis donc, c'est vraiment traumatisant pour beaucoup de monde. Déjà, je pense ramener un premier-né à la maison, ça peut être très, très difficile pour beaucoup de parents parce que là, t'es tout seul avec, puis t'es pas sûr de ce qu'il faut que tu fasses, t'es pas sûr de tes capacités. Mais dans le cas d'un prématuré, surtout que le temps a été très long, puis t'as établi une routine à l'hôpital, tu allais le voir, tu savais quoi faire, mais tu savais que l'infirmière était toujours là, puis les machines aussi sont tout le temps là pour te dire ton enfant va bien, ton enfant va moins bien. Donc là, il y a pas de machine. Ben, il y en a dans certains cas, là, pour des enfants qui ont plus de séquelles, mais la plupart du temps, le bébé va super bien, il respire tout seul, donc il te le met dans les bras, puis bye-bye. Donc c'est un peu particulier. Sentais-tu que, par exemple, la participation aux soins ou des choses comme ça avait valorisé votre compétence parentale? Oui, définitivement. Là, si on m'avait laissé le choix, je l'aurais même jamais pris, mais la première fois que je suis allée le voir, l'infirmière me l'a presque mis dessus, pas de force, là, mais je veux dire, elle m'a pas laissé le temps d'y penser, puis heureusement, parce que c'est tellement petit, tu veux pas, puis très petit, mais crainte. Des longs, longs membres, oui. Donc t'as l'impression que tu vas le casser, là, puis un tout petit coup, mais la tête quand même beaucoup plus grosse que le corps, donc un peu disproportionnée, puis il faut, donc heureusement qu'elle me l'a mis directement sur moi, puis là, j'ai pu prendre confiance en moi, puis me dire, oui, il est bien quand même s'il est pas dans l'incubateur. Puis de participer aux soins, apprendre à changer une couche ou à le laver, ça aide beaucoup après quand on a besoin de le refaire. Apprendre à emmailloter son enfant également, ça aide beaucoup parce que il est comme très à l'aise quand on l'emmaillote. Surtout les bébés prématurés, ils sont très confortables. Puis nous aussi après ça pour le prendre, c'est plus facile que directement dans les bras. Donc, il y a eu ça comme apprentissage. Puis même, j'ai regardé des vidéos de moi quand je manipulais mon petit bébé minuscule. Puis j'étais, mon Dieu, tu sais, je vais vite. Puis je vais, tu sais, j'avais une très grande confiance. Assurance. Oui, une très belle assurance dans mes mouvements-là. Reprendre un bébé prématuré, pas le mien, je pense que je serais aussi démunie que n'importe qui, puisque c'est pas le mien, puis j'aurais peur de le blesser. Mais à ce moment-là, je le voyais pas comme si fragile que ça, puis j'étais capable de gérer cette situation-là. Donc, ça a vraiment aidé, puis le travail des infirmières est très, très important dans ces situations-là. Pour remettre aux parents cette compétence-là aussi, parce que de toute façon, une fois qu'il peut être retourné avec les parents à la maison, c'est les parents qui en ont charge, donc... Oui, c'est ça. Il faut qu'un jour ou l'autre, ils le prennent et mieux vaut le prendre rapidement. Oui, c'est ça, mais on n'a pas le goût. T'sais. Il faut vraiment un petit peu nous donner un peu le petit incitatif qui nous manque. Là, parce que franchement, à la première vue, t'as pas le goût là, de le prendre, là, il est trop petit. Là. Mais ça a été une belle expérience finalement, puis je suis très heureuse là. Puis il y a des quand j'avais mon suivi en maison de naissance après, ben les sages-femmes me disaient que je le manipulais bien, puis que j'avais de l'air à l'aise. Donc je pense que ça avait été bien intégré dans mon cas. Puis je pense que c'est le cas pour beaucoup de mamans là, à ce que j'ai pu voir en unité néonate. En ce qui concerne justement ce qui se fait en milieu hospitalier, qu'est-ce qui a facilité l'attachement de ton conjoint et toi par rapport à votre enfant? Nous, ce qui a facilité, c'est rapidement, il a été mis du côté des bébés qui vont quand même assez bien. Donc, on avait un peu plus d'espace et d'intimité. Ça a l'air drôle à dire dans une unité où il y a à peu près 50 bébés, puis autant de parents, puis plein de personnel. Mais on s'est comme créé notre propre bulle, puis le personnel hospitalier le personnel en néonatologie est vraiment pour ça. Donc ça a aidé de pouvoir finalement, avoir nos petites routines avec notre enfant, puis apprendre à le connaître tranquillement. Par exemple, moi, j'ai chanté des chansons. À chaque fois que j'allais le voir, à chaque fois que je l'avais en peau à peau sur moi, ça a été quelque chose qui m'a beaucoup aidée. D'autres mamans, ça va être autrement. Ça peut être de tirer son lait. Il y a même, à l'intérieur de l'unité néonatale, il y a une salle de traite, là, qu'on disait, mais une salle pour tirer son lait. Puis, surtout les mamans comme moi qui faisaient beaucoup de lait, c'est comme quelque chose que tu peux faire pour lui, puis ça t'aide à te sentir importante, puis... puis aussi juste la présence, juste être là. Il y a des bébés qu'on peut pas sortir de l'incubateur. Mais juste être là, lui parler, puis le toucher quand c'est possible, parce qu'il y a des bébés, dès que tu les touches, ils font ils ont des problèmes respiratoires ou cardiaques, parce que toute stimulation leur implique finalement comme un stress, là. Donc ça, c'est beaucoup plus difficile dans ce cas-là. Mais la présence... ça peut aider les parents à s'attacher, parce que l'attachement, comme on l'avait vu dans notre travail, ça commence même dans le ventre, quand le bébé est dans le ventre, mais même avant, même l'idée d'avoir un bébé, c'est là que l'attachement peut commencer, surtout pour la mère, là. Donc, même si la situation est pas parfaite, on peut avoir quand même une belle situation d'attachement. Puis, après plusieurs années, là, il y a pas vraiment de différence la plupart du temps, entre des parents qui ont eu un enfant prématuré ou des parents qui ont eu un enfant à terme. Ça rentre dans l'ordre. C'est juste qu'il y a un petit peu plus d'effort. Puis ça peut être des fois un petit peu plus long, la rencontre entre les deux, puis vraiment apprendre à connaître son bébé puis à l'apprécier comme il est. Donc ça peut être un petit peu plus long. Il y a des mamans qui le trouvent affreux, leur bébé, là, quand ils le voient. Puis c'est normal, parce que c'est pas beau. C'est pas l'image qu'on s'en fait. C'est ça. Mais de toute façon, ça peut aussi... Ça peut être peut-être pas au même degré, mais... On a rarement le bébé rose propre. Oui, effectivement. qui sort de façon vaginale. Donc, je crois que l'image aussi est à retravailler, peut-être aussi pour toutes les mères, parce que oui, il y a du sang, oui, il y a peut-être des fois un peu bleu, un peu rouge, ça dépend des conditions qui sont autour de ça. C'est ça. Donc, dans ces situations-là, c'est des situations un peu plus extrêmes, mais que c'est possible. Puis même, il y a des parents qui en sortent avec une expérience très positive et voient leur enfant comme un battant. Il a pu survivre à tout ça, si petit, mais mon Dieu, c'est mon héros. Puis ça arrive pour beaucoup de parents. Ça, c'est vraiment positif un beau côté. Dans ce cas-là. Ouais, c'est ça. C'est sûr qu'on ne souhaite pas une naissance prématurée à personne, mais c'est pas obligé d'être le gros drame, puis qu'il n'y a rien qui en ressorte de positif, là. Puis des compétences parentales aussi, se dire « j'ai été capable de m'occuper d'un enfant si fragile, mais je suis capable de faire plein de choses, moi, après ça ». Donc, ça dépend toujours de l'entourage, du réseau, de la façon que les soins ont été donnés à l'hôpital. Moi, c'est sûr que j'ai juste une seule expérience, mais je pense que tranquillement, là, dans tous les hôpitaux, c'est vraiment pour la valorisation des parents. Justement, tu dis que ça va plus dans ce sens-là. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui auraient aidé ton conjoint et toi à passer au travers de ça? Peut-être parfois des détails, mais qui auraient pu être fait un petit peu différemment, malgré tout ce qui a été bien fait au niveau de la revalorisation de vos compétences parentales et tout ça. Qu'est-ce que vous auriez apprécié peut-être un petit peu plus présent? Quand moi, j'étais en séjour à l'hôpital suite à la césarienne, vraiment de pas être mise, parce qu'au début, j'étais en soins intensifs, j'étais tout seule dans ma chambre, mais après ça, il manque de lit, donc il y a une maman avec son bébé qui était avec moi dans la chambre. Donc ça a été particulièrement pénible, là. T'as pas ton bébé avec toi, mais t'as la dame à côté qui, elle, son bébé est en santé puis va très bien. Donc ça, c'était très, très, très difficile, là. Mais heureusement, la dame était particulièrement gentille puis son bébé pleurait presque pas. Donc, ça a été moins difficile. Autre chose qui serait intéressante, ça serait parce que, tu sais, il donne beaucoup d'informations, surtout au père, là, quand il arrive en néonat, il explique tout comment ça marche, mais franchement, tu peux pas retenir toute l'information. Donc, j'imagine qu'ils le font dans certains hôpitaux, mais pas dans celui où j'étais. Un guide d'information, ça serait vraiment intéressant pour quelle que les parents... sorte d'information penses-tu? Des informations factuelles, comme moi, au début, je savais même pas qu'il y avait une salle pour faire avec des tire-laits. Je l'ignorais, donc je retournais chez moi, j'habitais proche, mais quand même, à savoir tout de suite, j'aurais eu moins de délais. après ça, peut-être, je sais pas, non, quand même, ça, pour le reste, ça avait bien, ça s'était bien passé. Puis ça dépend de l'attitude des parents aussi, là. Puis ça dépend si t'as d'autres enfants à la maison. Nous, c'était notre premier, c'est pas mal plus facile. Mais ma collègue, elle, quand elle est née très prématurée, elle avait déjà une sœur qui était en jeune, tu sais, en petite enfance. Donc ça, c'est très pénible pour les parents de se séparer comme ça, puis de devoir dire, ah ben là, si je passe du temps avec cet enfant-là, j'en passe pas avec l'autre, c'est difficile. Brièvement, peux-tu me parler un peu aussi, il y a d'autres gens dans ton réseau qui ont vécu des choses, tu sais, après ou avant toi? Oui, ben ma sœur dont je parlais tout à l'heure, puis qui a remonté un peu mon conjoint, elle a vécu une naissance prématurée pour les mêmes raisons que moi, pour une prééclampsie. Par contre, elle, sa fille était pas en retard de croissance intra-utérin, donc sa fille était le bon poids qu'elle devait être à cet âge de la grossesse-là, à ce stade de la grossesse. Donc, elle a pu avoir un accouchement vaginal normal, malgré tout. Et sa fille est restée un peu moins longtemps à l'hôpital, 20, 21 jours, je crois. Par contre, une seule journée à l'hôpital, quand t'es pas avec ton enfant, c'est une journée de trop, là. Donc, même... Surtout que les premières heures sont importantes, là. Mais elle aussi, puis c'est une femme très forte, ma sœur, puis elle a vraiment... T'sais, elle a vécu ça là, de façon pas stoïque, là, mais presque. Donc, ça a été un exemple pour moi aussi, puis un endroit où je pouvais quand même en parler, puis vraiment dédramatiser, puis pratiquement rire de la situation. Donc, tu sais, je pouvais, avec elle, elle avait vu mon enfant, je pouvais rire des grandes oreilles de mon fils plutôt que de pleurer parce qu'il était pas encore à la maison. Donc, ça a aidé beaucoup. Puis quand on l'a ramené à la maison, puis on est descendu voir ma famille à Québec, mais il a été vraiment traité comme, ben, tout petit, là, les gens se lavaient tous les mains avant de le prendre, des précautions pour pas qu'il soit malade. Par contre, il était traité comme un enfant normal, là. Ma grand-mère le prenait dans le creux de son cou, puis elle se promenait, elle répondait au téléphone, elle faisait plein d'affaires. Donc, c'est vraiment, vraiment... Surprenant. Surprenant, mais magique aussi de voir que, mon Dieu, oui, j'ai peut-être produit un tout petit être humain, mais c'est un être humain complet. Puis ça peut rassurer des gens qui écoutent qu'il y aurait une situation de prématurité. Bon, il est né à 2,5 livres, mais présentement, il y a 2 ans et demi, il est dans le 90e percentile. Donc, il est plus gros. Au niveau de la croissance physique. Oui, il est plus gros puis plus pesant que tous les autres. Donc, ça veut pas dire non plus qu'ils vont rester plus petits puis plus chétifs. Il y a beaucoup de la génétique qui compte là-dedans, là. Donc, c'est ça. Si tu avais justement, à tous ceux qui ont des proches qui ont vécu cette expérience, ce moment-là, ou ceux qui ont vécu eux-mêmes l'accouchement prématuré ou de proche ou de loin, qu'est-ce que tu pourrais leur dire si tu avais une chose à leur dire? Oui, ce serait d'en profiter malgré tout, puis d'essayer de voir les belles opportunités que cette situation-là donne. C'est sûr que quand il y a des séquelles, des hémorragies cérébrales, tout ça, c'est plus difficile. Mais si c'est pas le cas, ou si c'est des choses que vous sentez que vous êtes capable de passer à travers, puis que ça va quand même bien, mais profitez-en. Dans le fond, vous êtes, tu sais, moi, j'ai pu avoir un tout petit bébé nouveau-né pendant pratiquement 4 mois. Donc ça, c'était comme une belle expérience malgré tout. Aussi, comme je l'ai dit, de dédramatiser de la situation, d'essayer d'en rire. Puis si c'est très difficile, parce que c'est très difficile pour certains parents, d'essayer de trouver, il y a une association, il y a Préma Québec qui existe, qui est une association de parents d'enfants prématurés. Vous pouvez appeler là, puis ils vont vous écouter, ils vont vous aider. Donc ça, c'est une belle ressource. Il y a des groupes qui existent, je pense qu'il y a des cafés rencontres. Donc ça, c'est une bonne idée. Puis souvent, vous pouvez être parent de multiples. Donc, il y a des associations pour les jumeaux et plus qui existent dans plusieurs régions. Donc, vous allez pouvoir rencontrer des gens qui ont vécu la même situation puis qui vont pouvoir en parler avec vous sans que vous ayez l'air extraterrestre. Merci beaucoup. Roxane Bolduc nous a donc parlé aujourd'hui de son travail sur la prématurité. Je vous rappelle que vous pouvez écouter nos émissions en balado-diffusion sur le site de C'est fou, cestfou.ca. Alors, en fait, je vous laisse là-dessus. On se retrouve la semaine prochaine pour une émission avec autant de couleurs. Nous parlerons de l'islam et la grossesse et de l'approche des différentes cultures de la naissance, de la grossesse et, dans le fond, comment adapter notre pratique sage-femme pour cette diversité culturelle. Merci d'avoir été avec nous à l'antenne de Connaître Ensemble, l'émission des étudiantes en pratique sage-femme. Bonne semaine. Yes. Yes. De 14h à 16h. sur les ondes de CIFU 89.1. Écoutez, je t'aime moi non plus. Saviez-vous que la moitié des habitants de la Terre vit avec moins de 2 $ par jour? Sachez que des gestes sont posés en ce moment par des gens de chez nous pour améliorer leur sort et viser l'atteinte des 8 objectifs de développement du millénaire. Pour en savoir plus sur ces objectifs et sur le rôle des organismes québécois de coopération internationale, cliquez dès maintenant sur soyonssolidaires.com et profitez-en pour participer à notre concours. Vous pourriez gagner, entre autres, un ordinateur portable. Le monde à votre portée sur soyonssolidaires.com.